8, 20. Observation, possessif, troisième personne du singulier, son, sa, c'est. Masculin singulier. Robert a un cousin. Son cousin est très sympathique. Mireille a un cousin. Son cousin est très sympathique. Féminin singulier, Robert a une cousine. Sa cousine est très sympathique. Mireille a une cousine. Sa cousine est très sympathique. Robert a une arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère est sympathique. Mireille a une arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère est sympathique. Masculin et féminin pluriel, Robert a des cousines. Ses cousines sont très sympathiques. Mireille a des cousins. Ses cousins sont très sympathiques.